Il était 11 heures quand nous arrivâmes à Chaillot. Des Grieux se préoccupe de trouver des ressources. Tiberge, qui ignore la fuite de Manon, lui prête à nouveau volontiers 100 pistoles et, non sans lui reprocher sa témérité, l'informe que la mort du portier est restée secrète grâce au supérieur. Il ne sera donc pas poursuivi, s'il se réconcilie ou plutôt avec sa famille. Monsieur Le T, de son côté, a détourné les soupçons pour l'évasion de Manon. On croit réellement qu'elle a fui avec un valet. Quant à la mort de Lescaut, on en sait la cause. Un garde du corps, dépouillé par lui au jeu, avait juré de lui casser la tête.